Audiomatique. Thank you. c'est sur la musique du projet Dialect que s'ouvrait la transmission 554 d'Audiomatique. La pièce Trampled Brethren apparaît sur le premier album intitulé From Filthy Tongue of Gods and Griots, sorti en 2002. Et maintenant, c'est au tour de la formation américaine Melvins d'assurer la continuité à Audiomatique. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation américaine Melvins. Nous entendions la pièce Short Hair with a Wig, extraite de son 28e album intitulé Thunderball et paru le 18 avril 2025. Et sans attendre, Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Electrica de Lima. En el año 1979, la primera estación espacial de Estados Unidos, el Skylab, cae a la Tierra de forma incontrolable. Audiomatic, nous venons d'entendre le projet Hindu Tribe, qui est une des multiples incarnations apparues dans les années 90 à travers l'œuvre des artistes Brian Dougans et Gary Cobain, mieux connus pour The Future Sound of London. De Hindu Tribe, nous écoutions la pièce Obstinta, qui apparaît sur la compilation Pulse 5, qui regroupe justement plusieurs projets parallèles à The Future Sound of London, dont Mental Cube, Yage et Smart Systems. Avant Hindu Tribe, nous écoutions le projet Van Fried, mené par Feu Klaus Schulz, de l'album Trans Appeal, paru en 1996. Les sonoristes ont choisi de faire jouer la pièce So What? Et pour amorcer la séquence, c'était le projet Electrica de Lima et sa composition El Skylab tirée du second album Los Avisos Luminosos, paru en 2020. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la collaboration entre le groupe anglais Little Barry et le batteur Malcolm Cato. This time I swore Il s'agissait à Audiomatique de l'artiste anglais Steve Barnes, qui œuvre également sous le pseudonyme de Divine Matrix. Du plus récent album de son projet Divine Matrix, intitulé Rise of the Sand Gods, et sorti le 14 mars 2025, nous écoutions la pièce Amun Rising. Et pour débuter, il s'agissait de la collaboration entre le groupe anglais Little Barry et le batteur Malcolm Cato, de leur album Electric War, lancé le 18 avril 2025, nous vous avons présenté la pièce Count of Four. Et cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la pièce Wasteland du groupe brésilien Morgue Mechanism. Cette pièce se trouve sur le second album intitulé The Sweet Apology of Death, publié en 1997. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Morgue Mechanism et sa composition Wasteland. C'était Audiomatique avec les Sonoristes.